petit, petit, petit île. Personne t'est su dans ta mala. Ouais, t'es plus fou qu'à la télé. T'as mis ta tenue de gala. Tu la n'as pas grandi, pas grandi. En haut de la villa. Petit, petit, petit dealer. Qui chante quand la stupe n'est pas là. Cherche le pétrole comme à Dallas. Veux être un boss dans le palace. Noyé sous kilos de canard. Vivre sous l'ombre de la calache. Et puis t'as tes soldats, garde à vous romper. La vie de rêve, tu t'es trompé. Le cœur noyé dans la tempête. Petit, petit, petit dealer. Ouais, t'as commencé tout en bas. Si t'as tout pris comme les ambas, c'était pour bien mettre les remparts. Toi, t'aimes dormir dans du satin. Au téléphone, t'aimes plus parler. La dernière passe que t'as atteint. Les schmitts à 6h du matin. Et voilà le feignant. Mais pour le bus, t'es debout depuis le soleil levant. Dispositif, faire effondrer la voiture de Condé qui s'est garée devant. Toi, t'es Pablo, t'es Montana. C'est la rue, tu veux croquer tout frais. À s'engouffrer, devenir un vrai. La dernière passe, c'est passé tout près. Nouvelle rafale, il a neigé dans le sud de la France. Le sommeil léger, petit dealer, attend plus que la roue tourner le bras que la chance. Les loups sont piégés, le diable est cuistot, le four chauffe dans la cuisine de l'enfer. La dalle et la mort sont cousines, ton avenir dépend de la boîte où on t'enferme. Ah, monnaie, monnaie, monnaie, plus personne porte ses harmonies. L'oseille, ça rend fier, on n'est rien sans monnaie, rien sans abonnés. Si elle fait pas le bonheur, on sait quoi en faire. Faire un cauchemar, c'est comme rêver des flics. Plutôt du genre Pablo, Gustavo, Gabira. Mais le réel, c'est pas comme dans une série Netflix. Faut négocier le virage. C'est gospel de Satan, le chant des calaches. Dans une poudrière, on sait à quoi s'attendre. Mais t'as pas pressé la gâchette, t'es qu'un lâche. Une lame te caresse la joue si tu veux l'attendre. Contrat à durée déterminée. C'est rare les vieux dealers, les places sont chères. On vit le générique et pas terminé. On trouve que de la merde, on sait pas ce qu'on cherche. Petit, petit, petit dealer. Tu restes seul dans ta mala. Derrière les barreaux t'es scellé. T'enlèves ta tenue de gala. Petit, petit, petit dealer. Ouais, t'es bien loin de ta villa. Ta mère s'est sentie délaissée. Ton père ne rêvait pas de cette villa. Petit dealer. Petit dealer. Tu restes seul dans ta mala. Hey, petit dealer.